Je vous propose une émission consacrée à la désobéissance militaire avec Hervé Drévillon, une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 2 février 2019. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Viré par les chemins, je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne, en Provence. Et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire. N'allez pas à la guerre. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. J'avais choisi ce thème avant de savoir que le sort du malheureux Venezuela allait dépendre largement de la fidélité ou non des forces armées au président Maduro. Nous allons parler ce matin de la désobéissance militaire. Certains gilets jaunes ont réclamé, paraît-il, l'accession au pouvoir du général Pierre de Villiers. C'est évidemment une calembredaine à laquelle le principal intéressé ne songe assurément pas, mais qui a rappelé les circonstances dans lesquelles, au tout début de son quinquennat, en juillet 2017, Emmanuel Macron avait provoqué le départ de ce chef d'état-major de nos armées. Il lui reprochait de s'être exprimé trop vivement devant l'opinion publique à propos des crédits militaires de la défense nationale. Or, par-delà cet épisode spécifique, surgit une question aussi ancienne que l'histoire, celle des rapports entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Cédante arma togae, il faut que les armes le cèdent à la toge. Voilà bien un principe romain qui garde tout son prix en démocratie. Mais on ne peut pas pour autant réduire l'attention à cette règle seule, toute précieuse qu'elle soit. Nous allons considérer plus largement la portée et les limites du puissant principe selon lequel la discipline est la force principale des armées. Car on s'aperçoit que ce principe-là n'a pas cessé d'être mis en cause d'âge en âge, ou pour le moins nuancé, dans la guerre comme dans la paix. Et cela pour des raisons politiques, civiques, morales, et même parfois d'efficacité concrète au service du succès. Hervé Drévillon, que j'ai convié ce matin, et ce n'est pas la première fois, est professeur d'histoire à la Sorbonne, Paris 1, directeur de l'Institut des études sur la guerre et sur la paix. Il gouverne aussi la recherche au service historique de la défense. Je ne connais guère, en vérité, dans ce champ, de meilleures compétences que la sienne. Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le sujet du budget de la défense. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. De mauvaises habitudes ont parfois été prises sur ces sujets, considérant qu'il devait en aller des armées comme il en va aujourd'hui de nombreux autres secteurs. Je le regrette. J'aime le sens du devoir. J'aime le sens de la réserve qui a tenu nos armées où elles sont aujourd'hui. Et ce que j'ai parfois du mal à considérer dans certains secteurs, je l'admets encore moins lorsqu'il s'agit des armées. Hervé Drévillon, bonjour. Bonjour. Ai-je besoin de vous dire qu'il s'agissait d'un extrait du discours de l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, à l'hôtel de Brienne, le 13 juillet 2017, la veille de la fête nationale? C'est un propos qui a provoqué du remous. Oui, donc, dont on connaît les conséquences, qui sont donc la démission du général de Villiers, alors chef d'état-major des armées. Et alors, le propos du président de la République à ce moment-là met en évidence une forme particulière de désobéissance, puisque là, pour le coup, il n'y avait pas véritablement d'insubordination de la part du chef d'état-major des armées. Il n'avait rien fait concrètement qui puisse relever de l'insubordination. Il s'agissait plutôt d'une forme donc spécifique de désobéissance qui est de porter sur la place publique, c'est le reproche qui est fait, porter sur la place publique une opinion, une considération, et donc qui renvoie à ce fameux devoir de réserve. Alors, il y avait eu à la fois un article dans le Figaro et des propos en principe confidentiel, à la commission de la défense nationale de l'Assemblée nationale, où ce général avait eu un propos très culotte de peau, je ne me laisserai pas baiser. Voilà. Alors, cette forme-là d'insubordination, c'est-à-dire de transgression de cette règle de la réserve, c'est un problème qui a longtemps agité les relations entre l'autorité politique et les forces armées. Et par exemple, lorsque Clémenceau, dans son livre publié en 1930, qui s'appelle « Grandeur et misère d'une victoire », dans un chapitre qu'il intitule « L'insubordination militaire », lorsqu'il évoque cette question, donc il cite le cas de Foch, qui, dans les négociations de paix, et en particulier avec le président Wilson, avec les États-Unis, joue un jeu que Clémenceau trouve personnel et pas suffisamment soumis à l'autorité politique qu'il incarne. Et donc, en particulier, ce que Clémenceau reproche à Foch, c'est d'avoir donné des interviews à des journaux américains pour justement créer une situation politique en sa faveur, pour créer une dynamique politique qui contraigne finalement l'autorité politique civile. C'est une querelle de mémoire, puisque c'est après la mort de Foch qu'était paru un livre de confidence à un journaliste, Raymond Recouly, où il s'en prenait très vivement, effectivement, au président du Conseil de 1919. Il avait gardé sur le cœur le fait qu'il n'avait pas pu directement intervenir dans la négociation du traité de paix. Mais pour Clémenceau, la règle était très claire. Cédant arma togae. Il faut toujours que le pouvoir civil cède au pouvoir militaire. Il avait d'ailleurs déjà eu l'occasion lui-même de pratiquer cet axiome très concrètement lorsqu'il était président du Conseil entre 1906 et 1909, président du Conseil, chef du gouvernement pour la première fois, et qu'il avait fendu l'oreille, comme on disait à l'époque, il avait limogé, comme on ne disait pas encore, puisque la formule date de 1914, il avait fendu l'oreille de l'amiral Germinet, qui commandait la flotte de Toulon, et qui s'était exprimé auprès de journaux locaux, le Petit Varois et le Petit Marseillais, pour se plaindre déjà du fait qu'on ne lui donnait pas assez d'argent et qu'après un premier affrontement, disait-il, la flotte risquait de ne pas être capable de continuer la bataille. Et les questions budgétaires, effectivement, ont depuis longtemps constitué un sujet d'affrontement entre l'autorité politique et les forces armées. Et ça, c'est pas seulement en France. Par exemple, en Angleterre, ça a été pendant très très longtemps un sujet majeur, puisque donc, on le sait, ce qui caractérisait l'Angleterre, c'était quand même ce régime parlementaire qui faisait que la décision de façon très précoce, dès la glorieuse révolution de 1688, la décision budgétaire impliquant les forces armées relevait donc du Parlement et de la chose publique. Et donc, à plusieurs reprises, il y a eu des affaires comme celle-ci où on reprochait justement aux forces armées de jouer une carte politique. Ça s'est souvent produit, notamment au XIXe siècle. Alors, puisque nous allons parler de la désobéissance, donc de l'obéissance, il faut commencer, Hervé de Réveillon, par remonter en arrière. Il n'est pas évident que l'obéissance soit le principe qui structure l'identité de la société militaire. Il y a là quelque chose comme une construction, car au fond, la féodalité n'impliquait pas pour les différents seigneurs, lorsqu'ils se battaient, qu'ils soient toujours aux ordres d'un système constitué et structuré. Peut-être déjà les Romains, je ne sais pas. Alors, effectivement, bon, structurellement, la discipline fait partie du fait militaire, puisque qu'est-ce qui caractérise la guerre ? C'est que c'est une violence ordonnée, c'est-à-dire on n'entre pas dans une bataille sans un dispositif tactique qui impose quand même une forme élémentaire d'obéissance. La phalange romaine, c'était déjà ça. Exactement. Mais de là à faire de l'obéissance une vertu cardinale qui concentre l'essence même de la condition militaire, il y a un pas. Il y a un pas, alors que, par exemple, dans un premier temps, l'armée romaine a pu franchir. L'armée romaine, et notamment dans la phase républicaine, était une armée particulièrement disciplinée, avec un très large éventail de sanctions, positives et négatives, et en particulier cette forme de sanction qu'on appelle la décimation, hein, qui consiste à prendre, notamment dans les fautes collectives réalisées par des soldats. Il s'agit donc là de prendre 10 soldats et de tirer au hasard 1 sur 10 qui sera soumis à une peine capitale. Oui, on croit souvent que le mot de décimation signifie qu'on a tué un grand nombre de gens. Voilà. En fait, alors, c'est 1 sur 10. Exactement. Là, il faut le prendre au sens strict, littéralement. Voilà, on exécute 1 soldat sur 10. Donc l'armée romaine, effectivement, a été particulièrement disciplinée. C'était aussi ce qui faisait sa force sur le plan tactique. Mais de là... Par la suite, vous évoquiez le moment, un long moment féodal, où effectivement, en l'absence d'une armée professionnelle, d'une armée permanente, etc., tous les éléments qui construisent la soumission à l'autorité, etc., sont beaucoup moins présents. C'est, je dirais, autour, pour la France, autour du XVIIe siècle, au moment où une armée permanente se construit, mais au moment aussi où la tactique évolue, et notamment au moment où la tactique repose fondamentalement sur la discipline de feu. Avec une contrainte qui est très forte, c'est qu'il faut à peu près 1 minute pour recharger un mousquet ou une arquebuse. Et donc, si tous les soldats tirent en même temps, eh bien, pendant 1 minute, eh bien, la formation d'infanterie ne fait plus feu et donc devient très, très vulnérable. Et donc, il faut organiser un étagement, un roulement du feu, le tir qu'on appelle le tir par salve. Mais ça suppose d'imposer aux soldats une discipline stricte. Ça veut donc dire qu'il doit recharger son arme selon une procédure extrêmement codifiée, je dirais même presque millimétrée. Or, il faut savoir que pendant que le soldat recharge son arme, il est exposé au feu ennemi. Or, il doit rester debout, ne pas prendre de dispositions pour se protéger, etc. Et là, ça impose une discipline de fer. La contrainte disciplinaire la plus forte, c'est faire accepter aux individus de rester debout face à l'ennemi et recevoir le feu ennemi. Et donc, la discipline collective devient un élément fondamental qui structure les armées et la tactique au moment aussi où celles-ci deviennent professionnelles. Ce qu'exprimait d'une autre façon Pierre Charon, qui est un philosophe néo-stoïcien inspiré par Montaigne en 1600, lorsqu'il dit « Le soldat doit plus craindre son chef que l'ennemi ». La question qui se pose aussi, c'est de savoir si ce doivent être les forces vives de la nation qui sont là présentes, ou si c'est un mercenariat dont il s'agit. Car cette origine a des conséquences sur l'idée qu'on se fait, sur le principe qu'on peut poser de la désobéissance. Oui, absolument. C'est une question qui se pose, par exemple, au moment de l'affirmation de la raison d'État sous Richelieu. Richelieu, donc, gouverne avec sous l'autorité de Louis XIII, et la France, dans les années 1630, sort d'une longue séquence des guerres de religion et de guerres civiles. Et donc, pour Richelieu, la nation, c'est la discorde civile, et notamment la discorde religieuse. Par conséquent, selon lui, l'autorité et l'ordre sont du ressort de l'État. Et donc l'armée doit être l'instrument de l'État, et non pas le reflet de la nation. Puisque si l'armée reflète la nation, elle en reflètera toutes les discordes. Et donc, c'est à ce moment-là que Richelieu explique qu'il vaut mieux faire appel à des mercenaires, parce que le mercenaire n'a pas d'engagement, d'implication, d'intérêt politique. Il fait son travail du moment qu'on le paye. Mais alors c'est là que la dimension politique fait retour. C'est que pour payer le mercenaire, il faut des impôts. Et pour des impôts, il faut un minimum de consentement de la nation. Et donc, même une armée strictement professionnelle n'est jamais totalement séparée, détachée de la nation, puisque l'entretien de l'armée exige une contribution de la nation. C'est l'occasion peut-être de rappeler que la jacquerie, de le rappeler par les temps qui courent, que la jacquerie de 1358 avec Jacques Bonhomme avait éclaté lorsqu'on avait renforcé les impôts considérablement sur la paysannerie pour payer la rançon du roi Jean qui avait été lui-même fait prisonnier par les Anglais, perfide Albion, à la bataille de Crécy. On peut reprendre d'autres épisodes à la fin de la guerre de Cent Ans et la création de la taille comme impôt pour payer la constitution d'un embryon d'armée permanente, ce qu'on appelle les compagnies d'ordonnance. C'est un fameux auteur d'un traité d'économie politique, Antoine de Montchrétien, qui écrivait en 1615 « Bien payer et bien punir, à faute de cela que l'on prépare autant de gibets que l'on veut armer d'hommes ». Voilà, exactement. On en est à un moment où la place de l'armée dans ce qu'on n'appelle pas encore nation, parce que la nation n'est pas constituée encore politique, mais la place de l'armée dans le royaume pose problème pour d'abord les nombreux désordres qu'elle engendre. Il y a un problème effectivement à ce moment-là de discipline militaire qui est lié souvent d'ailleurs à la logistique. C'est que si les soldats pillent, ce n'est pas seulement par instinct de cruauté ou de vénalité, etc. C'est tout simplement par nécessité. C'est parce qu'ils sont mal nourris, mal pris en charge. Il est intéressant de rappeler à ce propos que lorsque Bonaparte conduit ses armées pour les premières guerres d'Italie, à la fin du XVIIIe siècle, il fait de belles proclamations pour annoncer qu'il punira les soldats qui pilleront. Voilà. Il dit en même temps que dans sa proclamation à l'armée d'Italie, il appelle les soldats à venir se couvrir de gloire dans un territoire riche, prospère, etc. Donc il laisse aussi sous-entendre que les soldats pourront en tirer un profit personnel. Mais c'est la raison pour laquelle il est par ailleurs obligé de placer un certain nombre de contraintes et de bornes qui sont effectivement l'interdiction de piller. Donc intéressante ambivalence. Oui, tout à fait. La préoccupation des pouvoirs politiques est évidemment de limiter la désertion dès ce moment-là, car elle est liée de près à la manière dont on recrute les troupes, c'est-à-dire en forçant souvent les choses. Écoutez donc cette fameuse chanson du XVIIIe siècle, dont l'auteur est anonyme et qui s'appelle « J'avions reçu commandement ». J'ai choisi l'interprétation par Marc Augeret en 1980. Elle est assez militante. J'avions reçu commandement de partir pour la guerre. Je ne me soucions point pourtant d'abandonner notre mère. Pourtant là-bas fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Pourtant là-bas fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Ils m'ont donné un grand fusil, un sabre, une gibecière, une grande capote, un grand tapis, pendant jusqu'au derrière. Et fallait se tenir droit, aussi droit qu'un pic, un piquet. Et fallait se tenir droit, aussi droit qu'un pic, un piquet. Il y en avait sur leurs chevaux qui faisaient bien 2 mètres, avec 2 ou 3 plumes osiaux plantées dessus leur tête, et des poils d'artillon tout alentour de leurs talons. Et des poils d'artillon tout alentour de leurs talons. Ils m'ont placé en faction devant une citadelle. Ceux qui ne connaissions point mon nom m'appelions Sentinelle. À chaque chat qui passait, fallait crier couché, couché. À chaque chat qui passait, fallait crier couché, couché. Ils m'ont emmené dans un grand champ qu'appelions champ de bataille. On s'étripait, on s'épiolait, c'était pique la volaille. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et je suis parti. Ma foi, la peur m'a pris. J'ai pris mon sac et me voici. Alors voilà la question centrale, Hervé de Réveillon. Qu'est-ce qui pousse un individu à subir, à accepter la contrainte militaire, ou qu'est-ce qui le conduit à la désobéissance élémentaire? Voilà, alors ce qu'exprime effectivement tout à fait cette chanson, c'est le sentiment de la part d'un individu, alors dont on ne sait pas dans quelles conditions il a été enrôlé, mais le sentiment d'altérité qu'il ressent par rapport à la chose militaire qu'il subit comme une contrainte qu'on lui impose. Alors, qui résume assez bien, je dirais, la situation de beaucoup de soldats dans les armées royales sous la monarchie, puisqu'il y a deux formes de recrutement. Il y a le recrutement volontaire, mais volontaire entre guillemets, puisqu'il y a souvent des contraintes qui sont imposées. Et puis le recrutement obligatoire, on oublie souvent quand même, c'est pas la Révolution française qui a imposé le service militaire obligatoire, c'est Louis XIV avec la milice royale qui crée un système de d'obligation militaire. Néanmoins sélectif, tout le monde n'est pas... Alors la sélection se fait par tirage au sort, et puis il y a des privilégiés, bien sûr, qui échappent, bien sûr, à cette obligation. Mais l'immense majorité de la population française masculine et célibataire est théoriquement soumise à cette obligation de la milice royale. Et à cet égard, la Révolution va forcément jouer un rôle important et oui. Constituer un tournant, la nation ou le mercenariat. C'est tout à fait cela, puisque face à l'indiscipline des troupes qui se manifeste essentiellement par la désertion. La désertion, c'est le fléau de toutes les armées d'Europe. Ça représente, selon les estimations d'André Corvisier, à peu près 30% des effectifs militaires. La désertion étant considérée comme une mobilité incontrôlée. Vous savez, des soldats qui quittent une compagnie, qui désertent et qui se font ensuite enrôler par un nouveau capitaine pour toucher à nouveau la prime d'enrôlement. Ça s'appelle le billardage. La chanson correspond à 30% des soldats à l'époque. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment un fléau très très important. Alors, la question qui se pose aux théoriciens militaires, aux philosophes des Lumières et puis aux autorités politiques, c'est comment empêcher un soldat de déserter? Alors par la discipline, bien sûr, mais ça, c'est très compliqué. Et finalement, l'idée qui se développe, qui est formulée notamment dans les années 1770-1780, c'est faire appel au sens de l'honneur du soldat et notamment à son sens patriotique. Et Joseph Servan, futur ministre de la guerre sous la Révolution française, publie en 1780 un livre intitulé « Le soldat citoyen » dans lequel il dit « Vous ne pouvez pas faire appel à l'honneur du soldat et à la discipline du soldat si par ailleurs vous ne lui attribuez pas des droits qui sont des droits civiques ». C'est ce qu'accomplit effectivement la Révolution française. Et donc, non seulement le soldat donc est soumis à une discipline toujours aussi rigoureuse, voire plus, à partir de 1793, il y a quand même un sursaut disciplinaire assez fort. Vous avez des personnages comme Saint-Just, en tant que représentant en mission à l'armée du Nord, exerce une discipline assez sévère. Mais en même temps, ce sont des citoyens sous les armes. Et c'est tout à fait nouveau, et ça demeurera pendant la guerre de 14-18. Les poilus tiendront beaucoup à rappeler cela. Exactement. Ce sont des citoyens sous les armes. Ça veut donc dire que le fait de devenir soldat fait qu'ils ne perdent pas leurs droits élémentaires de citoyens, ce qui pose donc à ce moment-là fondamentalement cette question sur le long terme de la responsabilité individuelle du soldat. Et sous la Révolution française, cette responsabilité individuelle, elle se traduit aussi sur le plan tactique. Donc l'obéissance est consentie. L'obéissance est consentie, c'est effectivement. C'est tout à fait nouveau. Voilà. Alors, certains critiques, vous avez des critiques comme Marat, par exemple, sous la Révolution, qui considèrent justement que la condition militaire tend à pousser au renoncement des droits élémentaires du citoyen. Malgré tout, s'élabore une sorte de synthèse républicaine soutenue par des gens comme Carnot, par exemple. Le grand Lazare Carnot. Exactement. Lui qui s'exilera sous l'Empire, mais reviendra aider au moment des 100 jours, de exactement. Façon très, très admirable, en réalité. Voilà. Napoléon Et pour Carnot, l'armée finit même par devenir une sorte de creuset du principe républicain, de l'égalité en droit, de la reconnaissance de la méritocratie, etc. Et tout ça, donc, fait que les droits et les devoirs du soldat se combinent désormais. C'est dans la définition d'un statut à la fois civique et juridique que se joue l'essence même du soldat. Mais alors, qu'est-ce qui demeure à ce moment-là de la tradition de l'honneur ? Parce qu'il y avait les soldats qui étaient des prolétaires avant l'heure, sous l'Ancien Régime, et puis il y avait les nobles qui ont toujours résisté à l'autorité en servant d'autres valeurs. Naturellement, l'histoire de Richelieu et des Trois Mousquetaires a porté ça du côté du roman de façon exemplaire. Si on prend les mémoires de M. d'Artagnan publiées par Courtil de Sandras, ce que raconte la vie de d'Artagnan, c'est comment un gentilhomme attaché au principe de l'honneur, dont Courtil de Sandras dit que pour d'Artagnan, il avait un honneur sourcilleux. Eh bien, comment cet individu-là va devoir répondre aux injonctions de la raison d'État, obéir à un roi tyrannique. Et donc, c'est comment un individu qui est attaché à un certain nombre de vertus, de principes qui fondent l'identité nobiliaire, peut et doit se soumettre dans un environnement politique, mais aussi militaire, très contraignant. Et donc, l'honneur apparaît ici à la fois comme le sentiment qui crée la contrainte, il fait des choses qui sont contraires à son honneur, mais qui lui permettent également de surmonter ces conflits, parce que l'honneur, c'est un sentiment intériorisé, individuel. Montesquieu explique que l'honneur est un sentiment bizarre qui fait que les vertus ne sont que ce qu'il veut. Et donc l'honneur, ça permet à l'individu d'arbitrer des conflits. Et ce qui est intéressant, c'est que sous la Révolution française, il y a, dans un premier temps, un rejet du sentiment de l'honneur qui, par exemple, pour Robespierre, apparaît comme un héritage de la société d'Ancien Régime, l'honneur étant réservé à la noblesse, à l'aristocratie. Or, ce que fait la Révolution française, c'est au contraire démocratiser le sentiment de l'honneur. J'évoquais tout à l'heure le code pénal militaire. La même année, en 1791, le code civil institue des peines d'indignité. Donc, tout citoyen peut être frappé d'indignité. Ça veut donc dire que tout citoyen est, par définition, doté d'une dignité. Et donc, il y a un grand précédent de presque un siècle en arrière qui est le grand Vauban, le magnifique Vauban, qui n'est pas seulement l'architecte que l'on connaît de toutes les défenses et de tous les remparts, mais qui est aussi celui qui avait inventé la dîme royale et qui s'est intéressé beaucoup à la défense et à l'illustration des soldats. Il considérait que l'engagement des soldats était un contrat léonin. Tout l'avantage de l'engagement est pour le roi et tout le désavantage pour le soldat. Les soldats sont obligés à une obéissance aveugle pour tout ce qui leur est ordonné, qui les expose souvent à la mort, aux blessures, à la prison, à la faim, à la soif, au chaud, au froid, à la nudité, à des fatigues excessives, au traitement dur et rigoureux de la discipline et à une vieillesse toujours avancée, c'est-à-dire toujours prématurée en somme. Ce qui pourrait justifier des formes de désobéissance. Voilà. Et si qui pourrait aussi justifier, sous la plume de Vauban, la reconnaissance aux soldats d'un certain nombre de droits. Donc, je vais peut-être en profiter pour annoncer un scoop. vous nous rendez gourmands. Je pense que Vauban est un des principaux inspirateurs de la Révolution française via Carnot. Carnot, en 1784, publie un éloge de Vauban, dans lequel il explique que les principes élaborés par Vauban, d'abord, il les appliquera 10 ans plus tard, militairement, mais où on voit bien, effectivement, s'affirmer cette idée que, dans la défense de la nation, se joue la constitution politique, sociale, de la nation. C'est cette idée fondamentale qui est défendue par Vauban, dans ses oisivetés, dans ses mémoires, etc. En gros, il passe son temps à dire à Louis XIV « Vous faites la guerre, c'est bien, mais si vous voulez la faire efficacement, il faut réformer l'État il faut réformer la société de façon à ce que ces réformes permettent à l'État et à la société de supporter le choc de la guerre. Par exemple, c'est pour ces raisons-là qu'il dit à Louis XIV « rappelez les protestants ». Hein, il y a un mémoire sur le rappel des Huguenots dans lequel il dit à Louis XIV qu'il a fait une bêtise monumentale en révoquant l'édit de Nantes. C'est plus qu'une bêtise, c'est un crime. Mais l'idée, évidemment, que l'obéissance ne peut se justifier que si précisément on fait ces réformes, effectivement, c'est la cour jusqu'à Carnot. À propos de Carnot, je signale une excellente biographie due à Jean d'Ombre et Nicole d'Ombre sur Carnot, personnage décidément passionnant. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Quand on pense à Richelieu et Hervé de Réveillon, on pense aussi à l'interdiction du duel, qui n'est pas une question exogène par rapport à notre préoccupation de ce matin, c'est-à-dire une réflexion sur la désobéissance militaire. Le duel qui l'interdit jusqu'à condamner à mort ceux qui s'y sont livrés contre ses ordres. Voilà. Alors, le duel est tout à fait emblématique cette ambivalence du sentiment de l'honneur, puisque le duel est défini depuis 1602 comme un crime de lèse-majesté divine et humaine. C'est difficile d'envisager pire, mais à ce titre-là, il est poursuivi et condamné par le pouvoir royal. Mais malgré tout, il y a une très forte complaisance, voire tolérance des autorités politiques, voire judiciaires, à l'égard des duellistes. Pourquoi ? Eh bien, parce que le duel, c'est aussi une façon de régler les conflits. Beaucoup de militaires règlent leurs conflits par le duel, parce que l'armée, sous la période monarchique, elle est traversée par des injonctions contradictoires. À la fois, on préserve les privilèges de la noblesse, mais en même temps, on proclame l'idée que ce qui prévaut, c'est la hiérarchie militaire. Et donc, théoriquement, un officier noble, doit obéir à son supérieur, même si celui-ci est roturier. Alors, c'est possible dans l'armée, mais il ne faut pas oublier que l'armée évolue dans une société. Donc le duel est un exutoire. Eh bien, le duel est un exutoire, effectivement, comme l'honneur est un sentiment, justement, qui permet de surmonter les injonctions contradictoires. Et je rappelle que vous aviez fait, naguère, ou jadis, un livre sur le duel dans l'Ancien Régime, un livre tout à fait utile et précieux, avec Pascal Briouat et Pierre Cerna. Mais venons-en, Hervé de Réveillon, venons-en à cette dialectique qui s'organise entre obéissance et désobéissance à partir du XIXe siècle, après cette période de la Révolution que nous venons d'évoquer. Il y a d'abord un cas qui est intéressant, c'est celui où on voit un officier désobéir à sa hiérarchie et néanmoins vaincre. Je voudrais vous faire entendre un extrait de la pièce « Le prince de Hombourg » de von Kleist, Heinrich von Kleist, une pièce de 1810 que on a pu voir en 1951 et dans les années suivantes au TNP, présenté par Jean Villard avec Gérard Philippe, inoubliable dans le rôle du prince de Hombourg. Vous pouvez peut-être nous rappeler le thème de cette pièce. Alors, la pièce raconte un épisode qui est donc l'histoire du prince de Hombourg qui entre au service, on est au XVIIe siècle, qui entre au service de l'électeur de Brandebourg, l'électorat de Brandebourg étant le creuset à partir duquel se construira le royaume de Prusse. La pièce raconte un épisode où le prince de Hombourg, dans une bataille contre les Suédois en 1675, c'est la bataille de Fehrbellin, eh bien, désobéit à un ordre et lance une charge de cavalerie qui va permettre de remporter la victoire. Désobéissance et victoire, ça pose évidemment un problème à l'autorité supérieure. Dois-je me réjouir du succès ou me navrer de la désobéissance ? Voilà, alors là, c'est une question véritablement structurelle dans la pratique de la guerre. Écoutons un extrait de la fin de la pièce. Vous allez reconnaître sûrement la voix de Jean Villard, le prince électeur, et Gérard Philippe, le prince de Hombourg. Mon neveu, j'ai besoin de votre aide. Voyez, le colonel Kotwitz me présente en votre faveur une pétition couverte de signatures illustres. L'armée souhaite votre mise en liberté et refuse de s'incliner devant la sentence de mon tribunal. Prenez connaissance de ce texte, je vous prie. Ce que tu fais pour moi, je ne le méritais pas. Après t'avoir ainsi traité le jour de la bataille. Ah. Et maintenant, pars. Regagne ton poste au plus vite. Et cesse de t'inquiéter. Je veux subir la peine à laquelle je suis condamné. Oh mon Dieu! Il veut mourir! Il ne peut pas mourir! Il ne mourra pas! Monseigneur! Silence, ma décision est inébranlable. Cette mort libre et volontaire n'est qu'un hommage rendu à la sainte loi de la discipline que j'ai violée devant l'armée tout entière. Oh, mes frères d'armes, ne dites pas que je dois vivre pour triompher encore une fois de la Suède. La victoire que je vous donnerai peut-être que vaut-elle auprès du triomphe que nous remporterons demain glorieusement sur l'adversaire le plus dangereux, l'esprit d'insoumission et d'orgueil. Quant aux étrangers qui veulent nous asservir, vous savez bien qu'ils succomberont. Et les fils du Brandebourg seront libres sur le sol natal, car il est nôtre, et ses moissons ne croissent que pour nous. Von Kleist, c'est un nom qu'on retrouve au XXe siècle, Hervé Drevillian. Et dans un épisode tout à fait similaire, puisque von Kleist est un des généraux qui commande donc la campagne dirigée en mai 40 contre la France, et c'est en obéissant à un ordre de ce général que Guderian franchit la percée de Sedan et crée une tête de pont beaucoup plus importante que celle qui lui avait été ordonnée de faire. Et puis, on connaît la suite. Et donc là, cet épisode, 16 épisodes, illustre bien ce que j'appellerais la désobéissance opérationnelle. C'est que, bon, on le sait très bien, la première victime d'une bataille, c'est le plan. Et donc, il faut s'adapter sur le terrain avec parfois la nécessité, donc, de, sinon de désobéir franchement, ou en tout cas d'adapter les ordres qui ont été donnés initialement, parce que parfois le chef n'a pas toujours les éléments d'information pour transmettre, d'abord pour recevoir les informations, ensuite pour transmettre les ordres en direct. Et donc, par définition, sur le champ de bataille, eh bien, on est obligé de s'adapter aux circonstances. Et parfois, cette adaptation exige eh bien, une désobéissance franche et massive à l'ordre initial. Et donc, l'histoire militaire est remplie d'exemples de succès remportés grâce à l'insubordination. Il faut en venir maintenant à une autre grande question que pose ce même 19e siècle. C'est la question des relations entre les armées et le pouvoir civil d'un côté et le pouvoir militaire de l'autre. À toutes sortes de reprises, notamment après les différentes révolutions, on voit la question de savoir si les militaires doivent obéir uniquement à leur chef, soldat, ou doivent accepter de se soumettre au pouvoir civil. On retrouve Sedan Tarmatogué. Je vois que le maréchal Bugeaud, en 1816, au début de la Restauration, c'est lui qui conquérera l'Algérie avec la brutalité que l'on sait à partir de 1830. Bugeaud écrit en 1816 « Une armée doit être essentiellement obéissante et je conviens qu'elle doit obéir au roi. Quand même il ordonnerait des choses inconstitutionnelles, cette obéissance est dangereuse pour la liberté des peuples. » Mais les inconvénients d'une armée délibérante sont bien plus grands encore. Là, on est encore dans l'obéissance à un roi qui supposait violer les règles de la Constitution. Mais le général Dubarry, qui se distingue dans la conquête de l'Algérie, lui aussi, était ministre de la guerre à l'époque de l'ordre moral, en 1873 et 1874, écrit dans ses souvenirs, qui ont été publiés ultérieurement, « L'esprit républicain et l'esprit militaire sont deux états d'âme contradictoires et incompatibles. » L'armée est une sorte de pyramide hiérarchisée et terminée par un chef absolu que les liens d'obéissance passive, de la soumission et du respect relaient par les élites étagées aux foules qui dorment à la base. La question s'est posée en 1851 de façon éclatante lorsque les députés essayant de lutter contre le coup d'État du prince-président de Napoléon III se sont portés sur les barricades et ont dit aux troupes qui étaient devant eux « Ne tirez pas sur nous, nous sommes la légitimité ». C'est ainsi que Baudin est mort, c'est ainsi que Schœlcher s'est exprimé en vain, n'est-ce pas ? Oui. Alors, bien, justement sur cette question de la subordination donc des militaires à l'autorité politique. Prenons ces rapports, cette question qui devient un vrai sujet tout au long de l'histoire de la République. Ça commence même, on pourrait remonter encore plus loin, avec le coup d'État de Bonaparte, le 18 Brumaire. Hein, et donc, si on prend le cas du député Baudin, donc qui meurt sur les barricades au moment du coup d'État, eh bien, Baudin, il est panthéonisé en 1889. C'est lui qui avait dit, parce qu'on lui reprochait déjà l'indemnité parlementaire, oui. 25 francs par jour, vous allez voir comment on meurt pour 25 francs. Voilà. Et la panthéonisation de Baudin en 1889 se fait en même temps que la panthéonisation de Carnot et de généraux de la République, Hoche, Marceau, Kléber. Et à ce moment-là, il s'agit pour la République de rappeler ce principe essentiel, effectivement, qui est que, contrairement justement à ce que disait Barail, que vous citiez tout à l'heure, il y a dans l'armée un principe républicain. Un principe républicain, c'était aussi ce qu'expliquait un autre militaire, célèbre d'Enfer Rochereau, qui a fait plus que donner son nom à une station de métro et à une place de Paris. Qui a défendu Belfort. Qui a défendu Belfort et qui, en 1873, écrit un manifeste, d'une certaine façon, qui s'appelle « Des droits politiques des militaires ». Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, dans lequel il s'oppose à la suppression des droits civiques des militaires, puisque c'est bien ce qui s'est fait. Hein, les militaires ont perdu le droit de vote et il explique que les militaires doivent au contraire être pleinement intégrés dans la sphère civique et que c'est la condition par laquelle, justement, eh bien, ils se soumettront le mieux aux contraintes de la démocratie, enfin aux contraintes et aux règles de la démocratie. Il explique finalement que le danger vient de la fermeture de la société militaire sur elle-même et c'est en isolant la société militaire. Mais lorsque celle-ci se ferme, qu'elle peut devenir un danger pour la démocratie, alors qu'à l'inverse, c'est en insérant pleinement les militaires dans la sphère civique que la démocratie sera la mieux protégée. C'est toujours vrai. D'ailleurs, c'est la conviction de Jean Jaurès dans son fameux livre de 1910-1911, L'armée nouvelle. Il faut que constamment soit organisée l'imbrication entre le monde civil et le monde militaire. C'est toujours vrai, non ? Exactement, exactement. C'est un principe fondamental, alors qui, aujourd'hui, n'a plus les mêmes implications, parce que nous ne sommes plus autant d'une armée de conscription, mais une armée professionnelle. Mais à une époque où l'ensemble des citoyens mâles étaient potentiellement appelés à servir dans les armées, c'est quand même un sujet politique majeur. Sous cette lumière, Hervé de Révillon, les mutineries de 1917 prennent une couleur particulière. Les militaires ont tendu à dire que c'était l'effet de la méchante presse et des méchants instituteurs. Ça a été d'abord un refus de l'absurdité d'une guerre prévue comme telle. Et peut-être aussi, tout de même, y a-t-il une portée politique ? Alors, c'est effectivement, les mutineries de 17 sont un phénomène très complexe, puisque, donc, alors, il y a la première dimension qui est la réaction à, vous évoquiez cette sorte d'absurdité, réaction à l'échec, notamment de l'offensive Nivelle, et à une façon particulière de faire la guerre très coûteuse en vie humaine et qui finit par devenir intolérable. Avril 1917. Voilà, effectivement. Et puis, il y a la dimension spécifiquement militaire. Faut pas oublier que la mutinerie, c'est presque un rituel militaire, d'une certaine façon. Mais par ailleurs, il y a aussi la composante politique et il y a aussi la présence dans ces mutineries de la part de certains d'un refus, je dirais, structurel de la guerre et qui a été longtemps occulté. C'est vrai que l'idée que tous les citoyens s'engageaient dans la défense de la nation a longtemps dominé, mais il ne faut pas nier non plus le fait qu'il y avait un refus aussi de la guerre chez certains. Et c'est cette conjonction de circonstances et de données structurelles et conjoncturelles qui ont donné lieu à ces mutineries en 1917. Alors il faut en venir à la guerre de 39-45, puisqu'elle pose de façon extraordinairement violente la question de l'obéissance. Le 18 juin 40, c'est un acte de désobéissance militaire et de conviction politique lumineuse qui illustre tout à fait cette contradiction possible, puisque nous parlons ce matin de la désobéissance militaire. Alors, effectivement, l'acte de désobéissance du général de Gaulle, enfin, son acte est un acte de désobéissance. Ce qui est intéressant, c'est d'examiner par la suite la réaction des officiers de l'armée, donc qui devient l'armée de Vichy. Et il me semble qu'il y a un moment emblématique pour cette question-là, c'est en 1942, au moment du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, l'opération Torch. Là, à ce moment-là, les officiers qui étaient jusqu'à présent restés fidèles au régime de Vichy se posent un problème, mais dans l'urgence, la question est simple. Faut-il tirer, faut-il se battre contre les Américains qui débarquent? Il y a déjà eu la question de Syrie où des Français ont tiré sur des Français. Oui, exactement. Hein. Et vous avez, je crois, un exemple très emblématique, le futur maréchal Juin. Juin, par exemple, là, est vraiment saisi dans ce conflit. Jusqu'à présent, il était resté fidèle à Vichy. Mais, dans un premier temps, la consigne qu'il donne à ses subordonnés, c'est de rester au contact des alliés qui débarquent sans agressivité. C'est-à-dire que, voilà, il essaye de trouver une sorte de compromis, et c'est seulement la perspective de voir les Allemands intervenir qui le fait basculer, et là, à ce moment-là, et puis surtout, l'invasion de la zone libre qui finalement l'amène à considérer qu'il n'est plus tenu à son devoir d'obéissance, puisque une transgression a été commise. Hein, nous sommes en novembre 1942, et donc là, désormais, c'est ce qui lui permet de franchir le pas. Alors que le maréchal Pétain, dans une allocution fameuse, a donné instruction aux troupes d'Afrique du Nord de résister par la force absolument à l'arrivée des anglo-saxons, c'est sa formule. Oui, absolument. Il faut aussi évoquer les révoltes des militaires allemands contre Hitler, la suite des complots. Voilà. Ce complot de juillet 44 étant le maximum avec Stauffenberg. Voilà, exactement. Alors, ce qui est intéressant dans cette situation-là, et notamment, je prendrais une personnalité comme celle de Rommel, alors qui n'est pas directement impliqué dans l'attentat de juin 44, mais enfin qui fait partie quand même de cette nébuleuse militaire qui a fini par s'opposer à Hitler. Après une série de tentatives d'assassinat, d'ailleurs, toutes avortées. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Rommel, par exemple, c'est que son positionnement ne résulte pas finalement d'un divorce politique avec Hitler. Rommel était un très proche d'Hitler, quand même, depuis le début. Et puis, sa carrière pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est due au soutien personnel d'Hitler. C'est surtout, en fait, une considération militaire. C'est pour des considérations militaires que, finalement, Rommel divorce avec Hitler. Il trouve que la stratégie adoptée par Hitler n'est pas bonne. Et donc, par exemple, il pense qu'il faut négocier une paix séparée avec les Anglais et les Américains. Et c'est parce que Hitler refuse cela qu'il entre en dissidence. Et donc, c'est l'invocation du motif militaire comme principal ressort de la désobéissance à l'égard de l'autorité politique. C'est dans la suite de la guerre de 40 que se situent, bien sûr, les putschistes d'avril 61. Et le colonel Bastien Thiry, qui s'efforce d'assassiner le général de Gaulle au moment de la guerre d'Algérie, ils disent « nous ne faisons rien d'autre que ce que le général de Gaulle a fait ». Bien sûr, et le général de Gaulle, évidemment, réplique de la façon que nous savons le 23 avril 1961. « Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé, notre rôle et notre place en Afrique compromis. Et par qui ? Hélas, hélas, hélas, par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. L'argument suivant lequel il pourrait être localement nécessaire d'accepter leur commandement sous prétexte d'obligation opérationnelle ou administrative ne saurait tromper personne. Les chefs civils et militaires qui ont le droit d'assumer les responsabilités sont ceux qui ont été nommés régulièrement pour cela et que, précisément, les insurgés empêchent de le faire. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois. On sait que ce propos a été efficace, Hervé de Révillon. Il y aurait tout un développement à faire sur les relations entre De Gaulle et la discipline. En même temps, il envoyait parfois les limites, et, ou avec son sens du cocasse, il disait « Leclerc a observé mes ordres, même ceux que je ne lui avais pas formulés ». Et il note aussi dans le fil de l'épée que l'amiral Jellicoe, dans la fameuse bataille navale du Jutland de 1916, avait toutes les qualités de Nelson, sauf celle de désobéir. Oui, donc ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que la désobéissance est structurellement inscrite dans la condition militaire. Et d'ailleurs, là, De Gaulle, dans son allocution, évoque donc ces situations de désobéissance, je le cite à nouveau, sous prétexte d'obligations opérationnelles et administratives. Effectivement, c'est le motif de la désobéissance. C'est d'ailleurs aussi ce motif de la logique militaire qui est invoquée, vous évoquiez tout à l'heure Bastien Thiry au moment du petit Clamart. Le 22 août 1962. Voilà. Eh bien, lors de son procès, Bastien Thiry invoque là aussi des motifs spécifiquement militaires. Alors, même si on sait très bien que l'attentat avait des motifs politiques, le nom de l'opération, opération Charlotte Corday, et bien sûr, place cet attentat vraiment dans une perspective politique, mais justement, on retrouve à nouveau cette problématique de l'articulation entre l'invocation des motifs militaires et ce que ça produit comme effet politique. De façon... Oui, d'ailleurs, Bastien Thiry s'est comparé lui-même à Stauffenberg, qui avait essayé de tuer Hitler, en disant que De Gaulle était pire que Hitler, puisqu'il ne respectait pas l'armée. Voilà, exactement. Et donc, c'est cette thématique qu'on retrouve, de l'humiliation de l'armée par le pouvoir politique et qui est aussi à l'origine du putsch des généraux. La question de la discipline dans l'armée pose aussi la question de la liberté de la pensée militaire. Parce que je crois que c'est Lyautey qui a dit « quand j'entends claquer des talons, j'entends les cerveaux qui se ferment ». Comment un corps qui est fondé sur la discipline, peut-il laisser la liberté de la pensée? On a toujours vu les penseurs militaires être un peu marginaux par rapport à la hiérarchie. Oui, effectivement. Alors, à certains moments, écrire un livre pour un militaire, ça peut représenter un risque. Mais à d'autres moments, là, c'est pas une constante dans l'histoire de la pensée militaire. Il y a des moments d'une incroyable profusion et richesse de la pensée, notamment dans les années 1870-1880. Il y a une très très grande vitalité de la pensée militaire parce que justement, ce qui est au cœur là de la pensée militaire, c'est le bilan critique de la défaite de 1870, et vous avez des militaires qui ont des responsabilités, je pense par exemple au général Leval, qui s'engage vraiment dans une posture critique et qui fonde. Et d'ailleurs, Leval élabore à ce moment-là la notion de stratégie positive, s'inspirant du modèle positiviste et qui fonde l'idée de stratégie, de réflexion stratégique sur la posture critique. Alors pour finir, Hervé de Révillon, pour en arriver à notre actualité, aux années récentes, quelles ont été les conséquences de cette double évolution, le développement des nouvelles technologies qui dispersent les décisions et d'autre part la montée de la préoccupation des droits de l'homme qui évidemment concerne très directement le comportement des soldats dans la bataille. Alors ces deux évolutions précisément sont pleines de contradictions parce que les évolutions technologiques font aussi que à l'échelle du soldat individuel, eh bien, un soldat peut se trouver dans une situation où son action peut avoir des conséquences stratégiques. C'est ce qu'on appelle la notion de caporal stratégique. Imaginez dans une situation de contre-insurrection, un soldat qui a dans son viseur le chef d'une organisation terroriste ou au contraire un civil innocent, etc., ça peut avoir des répercussions stratégiques majeures. En ce qui concerne donc le respect du droit international humanitaire, etc., il se trouve que les conflits dans lesquels les soldats sont engagés sont très souvent, en opération extérieure, des conflits de contre-insurrection. Et c'est précisément dans ce genre de conflit que les limites du droit de la guerre se posent en permanence. C'est très difficile d'appliquer le droit humanitaire international. Voyez par exemple ce qu'ont fait les Américains des prisonniers qu'ils ont envoyés à Guantanamo, etc. Bon, et donc les situations actuelles font que par définition, la responsabilité individuelle du soldat est difficile à prendre en compte. C'est ce qui fait qu'il y a une sorte aussi de surenchère d'investissement du droit. On parle de judiciarisation du champ de bataille et de la condition militaire et qui sont aussi parfois vécues comme une contrainte difficilement surmontable par les soldats, d'où aussi le fort investissement de la théorie militaire actuellement sur la notion d'éthique. La notion d'éthique étant ce qui permet d'assumer individuellement des contraintes juridiques, morales, etc., qui sont de plus en plus fortes. Eh bien, je gage que cette grande question, Hervé Drévillon, de l'obéissance et de la désobéissance militaire, notamment en démocratie, cette question continuera de se poser longtemps. Merci d'en avoir traité de nombreux aspects devant moi ce matin. Je rappelle que vous avez écrit un livre important qui s'appelait « L'individu et la guerre, du chevalier Bayard au soldat inconnu » qui était paru chez Belin en 2013. Vous avez co-dirigé avec Olivier Vivorca une histoire militaire de la France en 2 volumes qui est paru chez Perrin. C'est une intention que vous avez nourrie de longtemps? Oui, avec une équipe de 10 auteurs. Et puis quelque chose d'encore plus important, encore plus massif et très attendu, c'est ce projet d'un livre qui s'intitulera « Mondes en guerre », 4 volumes, qui paraîtra en octobre prochain, je ne me trompe pas. Effectivement, voilà, et qui assume pleinement le défi de faire une histoire de la guerre, c'est-à-dire de découvrir des problématiques transversales, transnationales, etc. Hommage aussi à cette histoire de la guerre du 19e siècle à nos jours, ambition mondiale également dirigée par l'historien Bruno Cabanne qui enseigne l'histoire de la guerre à l'université d'État de l'Ohio aux États-Unis d'Amérique. Citons aussi une anthologie très précieuse dirigée par Xavier Leprêt et Sylvain Venère, Écrire la guerre de l'Antiquité à nos jours, parue chez Citadelle et Masneau tout récemment. Je voudrais également citer la revue Inflexion, qui est importante. C'est une revue qui est fondée sur l'idée, le sous-titre est « Civil et militaire, pouvoir dire », fondée sur l'idée que ces deux mondes doivent être rapprochés et qui avait consacré en 2013 un numéro précisément intitulé « L'autorité en question, obéir, désobéir ». Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Florent Bujon, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. C'était Désobéissance militaire, une émission pour laquelle j'avais invité Hervé Drévillon, qui avait été diffusée la première fois le 2 février 2019. La semaine prochaine, nous parlerons de l'exil et de l'asile dans l'Antiquité avec Maurice Sartre.